m'entends. Tu m'entends là? Ouais, ça, parce que t'arrives à appuyer sur le petit micro. Non, je t'entends. T'as appuyé sur le petit bouton micro? Non, tu l'as pas appuyé. Je devrais te voir clignoter. Ah, essaye d'appuyer, c'est pour parler. Ah ouais, je t'entends là. Oui. Ouais, ouais, je t'entends là. Et appuie sur le petit bouton micro. Ah putain, je t'entends super bien là. Moi, je t'entends. Appuie sur le petit micro. Là. Au-dessus de 30 smith. Est-ce que tu m'entends là? T'as toute ta barre avec le truc. Et au-dessus, t'as un petit micro qui est dessiné. Tu le vois? Ah. Voilà, là t'as appuyé, je vois que ça clignote. Là ça permet de pas être on va s'entendre plus vite. Là. Ouais, c'est bien. On devrait pouvoir s'entendre plus facilement pour parler. Par contre, il faut pas jouer. Il y a un haut-parleur seulement. Non, c'est bon, tu l'as mis. C'est un micro, hein, c'est les vieux micros. C'est un dessin de micro, mais c'est pas grave. C'est ok là c'est okay. Par contre c'est pas pour jouer, là c'est que pour parler parce qu'on n'est pas synchronisé en fait. Donc on s'entendra plus facilement, mais pour jouer il faut l'enlever après. Ok. Parce que ça, là tu vois en fait le principe de Ninjam c'est que tu envoies quelque chose sur un serveur, il enregistre ce que tu as joué, ouais, il le renvoie avec. Ouais, là on est plus ou moins en live quoi. Donc, il renvoie effectivement avec un décalage d'un ou deux temps. Donc, si tu respectes pas le truc, ça fait n'importe quoi quand il y a personne qui joue ensemble. Donc, on est obligé de se caler sur le métronome, où généralement on met une batterie pour pas être embêté. Alors, on va mettre une batterie. Ouais. Alors, tu voulais jouer Illusion Voice. Alors, attends, je vais même trouver le. Donc par contre, tu vois, Illusion West, c'est pas mal de mesures. Donc là, il faut paramétrer, par contre, tout le morceau pour que ça puisse faire une loupe. Si ça fait pas une loupe, ça va être n'importe quoi. Tu vois le principe? Ou pas? Dis-moi. Allô, allô? Y a-t-il Rémi dans la salle encore? J'ai perdu Rémi. Ouais. Ouais. Et après, le nombre de mesures, là... 64, ouais, 75, donc voilà. Ouais, je t'entends. Oui. Je t'entends. Ouais, je te disais, il faut vraiment paramétrer exactement le morceau pour que ça puisse faire une loupe. Là. Donc, alors, là, je vais reprendre le morceau. Mono, stéréo. Les yeux. Allô? Allô? Ah, ouais. Allô? Je suis toujours là. Ouais. Tu m'entends, là? Ouais, je t'entends, moi. Aucun problème. Je peux t'entendre. D'accord. Bon. C'est un peu perturbant. C'est perturbant au départ. Hein. C'est... Ouais, ah, attends, tu m'entends? Ouais, je t'entends, n'aie pas peur. Je suis toujours là. Can't say this. Il was always. C'est marrant. Alors. Ça y est. Là, j'ai la chanson. Ouais, je t'avais pas filé la bonne grille. En fait, j'en avais fait une autre. Je me disais, c'était bizarre le truc, ça correspondait pas. J'arrivais pas à le jouer la dernière fois. Je comprends mieux, ouais. Je t'entends pas. Que j'avais repiqué. Ouais, tu m'entends? Parfait. Donc, c'était pas la bonne partoche. Attends, est-ce que j'ai. Donc, là, pour Jam Tabac, on peut pas le faire en entier, en fait, le morceau. Donc, on peut rentrer 32 mesures. Donc, là. Donc, on peut jouer soit le A, soit le B. Donc, ils font tous les deux 32, en fait, c'est A et B qui se suivent. Ils sont un tout petit peu différents, il n'y a pas de gros trucs, mais d'accord. Ils sont différents. Donc, je ne sais pas comment tu l'avais travaillé, toi, par rapport au disque, ou par rapport à la partoche, ou par rapport à tu l'avais travaillé comment? Ouais. C'est pas très clair. Là. C'est marrant, le micro il est quand même. Le micro il est quand même assez sensible. Il est de bonne qualité quand même, hein, parce que c'est vrai que pour un micro d'ordinateur, il lésine pas les. Ouais, par rapport à Apple, la partition que tu m'avais filée là. Ouais, d'accord, ouais, donc tu vas avoir des trucs qui vont pas. Ouais. Il y a des coupures? Pourquoi tu me dis tu Allô? m'entends? Parce que moi je t'entends tout le temps, mais. T'as des coupures dans le son? Allô? Ouais, Allô? apparemment t'as des coupures, toi. Moi je t'entends bien. Allô? Allô, allô? Alors, Allô? ce que je vais Pierre? faire. Donc, ouais, moi je t'entends, ouais. Merde, c'est quoi Mais cette tu ne merde? m'entends pas. Alors. Ah oui, allô? Allô, Tu allô? m'entends? Ouais, moi je t'entends. Tu m'entends pas? Allô? Le langage de sourd. Allô? Je t'entends C'est chaud là. parfaitement. Je suis en 4G pourtant. Tu m'entends? Toi, apparemment. Micro intégré. Allô? Je t'entends parfaitement, mais pas toi. Ouais, c'est ça. Ok. Bah, je sais pas, parce que j'appuie justement sur le micro là. Ouais. Là, je t'entends là. Toi, tu m'entends? Tu Ouais, moi m'entends je là? t'entends tout le temps, moi. synchronisé avec nous. Ah, j'ai laissé le micro, d'accord, merde. Tu vois le petit bouton jaune là, ah, qui clignote là, oh. Ouais, ça c'est uniquement pour parler, ça, pour vraiment pas jouer avec. Hein. Pardon, d'accord. Voilà. Voilà. Là on peut reprendre là, coup, là. Tu vas. Là tu devrais être sur les accords, mais le problème c'est que ça prend deux boucles de nouveau pour qu'on réentende que tu joues correctement. Je suis plus que là. Thank you.